mort, pas fort avec toi, pas fort. Ta voix c'est de l'or, mais là tu dors. Déjà l'aurore, je suis mort avec toi. Besoin de mille métaphores pour exprimer combien je t'adore. Tu es si beau dans ton berceau, les poings en l'air, les yeux ouverts. C'est l'orage dehors, la foudre gronde fort, mais ne t'en soucie guère Hector, mon or d'or. Mon odeur, j'aime sentir ton corps sur mon corps. Je suis tout moelleux, tout confort. Il n'y a pas de plus merveilleux trésor que tes joues qu'encore je dévore, Hector. Mais ne t'en soucie guère, Hector, mon odeur, mon odeur. Navigue sur les canaux galactophores, tu rêves de galaxie.